Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Oula, il y a des délires de son là. Merci de fidélité, je suis Lia et je suis là avec toi et bien pendant une heure dans cette émission L'Odeur du Son. Alors dans cette émission, et bien je te divulgue les infos locales, je te partage mes sons chouchous. Et bien entendu, et bien je suis accompagnée comme à chaque fois d'un invité. Il est d'ailleurs temps de l'accueillir, mon invité du jour. Tony, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, ça va très bien, merci. En vacances ces petites semaines, donc voilà. À part la météo, tout va pour le mieux de mon côté. T'en profites ? Je vais en profiter pour avancer dans ma petite maison et pouvoir me reposer un petit peu. Ah mais ça, j'en ai bien besoin. T'as bien raison. Alors je me suis même quand même rendu compte en préparant cette émission que je connaissais même pas ton identité exacte. Donc je t'appelle Tony, c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Effectivement, j'ai un pseudo sur différents réseaux sociaux. C'est des pseudos, mais du coup oui, c'est bien Tony. Ok, ça marche. Tony, tu es éducateur sportif dans la vraie vie, non? Pas du tout animateur. Je suis plutôt animateur, oui, avec des familles en demande d'asile, donc dans le social, sur tout le territoire des Vosges. Ah, oh, c'est génial ça. C'est très enrichissant et effectivement, ça me convient très bien. Mais dans quel organisme alors? Du coup, pour la Fédération médico-sociale, je passe un petit bonjour à toutes les équipes situées un peu partout dans les Vosges. Ah, super. Moi, je suis basé sur Épinal et je travaille vraiment sur toutes les Vosges avec différentes familles issues de différentes nationalités et qui viennent demander l'asile français. D'accord. Donc voilà, je suis amené à leur proposer des temps d'animation et des temps d'insertion. Super, hyper enrichissant. Pour ma part, oui, très. Bravo. Alors, tu m'as confié il y a quelques temps avoir voyagé en mode un petit peu road trip en sac à dos il y a quelques années. Et comme en ce moment, on peut pas voyager à part par procuration, eh bien, nous allons un petit peu refaire le voyage ensemble. Avec grand plaisir. Alors, ils auraient en moyenne 27 ans. Ils auraient pour la plupart mis de côté pour pouvoir le faire. Ils auraient eu le déclic suite à une perte d'emploi ou ils auraient pris un congé sabbatique. Ils le feraient à pied, en van, à moto ou encore un vélo. Leur sac pèserait en moyenne 15 kilos et ils en auraient profité pour pratiquer la rando, le VTT ou la plongée. Bien entendu, je parle des voyageurs, des road trippers. Est-ce que tu te reconnais un peu là? Je m'y reconnais, c'est-à-dire que moi, pendant mes périodes de voyage, qu'ont commencé en 2015 réellement, avec un gros voyage, on y reviendra certainement après. Oui. Et du coup, moi, pendant mes voyages, c'est en moyenne entre 3 semaines et 1 mois, wow. En moyenne, quand je pars. Et du coup, on va dire que il y aura à peu près 10 jours où effectivement, je vais visiter les différents endroits qui sont reconnus par les patrimoines de l'UNESCO ou autre. Ouais. Et du coup, il y a le restant du voyage où j'essaye, de me perdre un peu dans les petits villages hors touristes. C'est ça. Qui me permet, moi, en tout cas, de me ressourcer et de voir différentes valeurs et différentes cultures à travers le monde. C'est ce que tu me disais, ton truc à toi, c'est de voyager loin des touristes. Il y a toujours une partie de touristes, je me le cache pas, et ça fait du bien aussi de voir des touristes, d'échanger. Mais sur une bonne moitié du voyage, effectivement, si on peut être en petit nombre ou sans touristes, c'est d'autant mieux. Ça doit être vraiment différent, quoi. C'est complètement différent. Je pense que la plupart des touristes, sans prendre part de leur avis, mais il y a beaucoup de touristes qui ne respectent pas forcément les cultures locales. Ah oui. Et moi, je m'y retrouve pas, je veux dire, dans ce manque de respect ou ce manque de civisme. Moi, perso, je m'y retrouve pas. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je fuis tous ces touristes. Ça me permet de me retrouver au niveau de la faune, de la flore et de la population locale. Super. Bah, en tout cas, c'est un super partage. J'encourage vraiment toutes les personnes pendant leur road trip, entre parenthèses, ou simplement un petit voyage, aller passer quelques heures ou une petite journée loin des touristes, aller se perdre un peu, loin des, comment, des plages ou des lieux vraiment touristiques. Comment on fait pour aller plus loin? On se débrouille? Personnellement, j'ai suivi pas mal de petits conseils de d'autres voyageurs, justement, qui me disaient d'aller jeter un petit œil à gauche ou à droite, ou alors simplement louer un petit scooter. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé en Asie, par exemple, ou en Afrique. Et simplement, en louant un petit scooter, ça nous permet d'aller prendre des sentiers un peu perdus. Génial. Qui donne souvent droit à la découverte d'un petit village ou d'enfants ou simplement de personnes au bord des routes qui permet d'échanger. Faut simplement suivre ses envies. Mais t'as fait Pékin Express, toi, ou pas? Je l'ai. Ouais, on pourrait dire que j'ai fait Pékin Express, mais sans la visibilité. Non, c'est vrai que oui, effectivement, nous. Enfin, moi, quand je voyage, j'évite de prendre tout ce qui est taxi, bus touristique, on va dire. On prend vraiment tout ce qui est transport local. Et effectivement, parfois, on a les avantages, les inconvénients de prendre justement les transports locaux avec de nombreuses pannes, avec de la découverte de personnes qui par la suite, nous proposent aussi un hébergement, par exemple, dans un petit village. Sans électricité, sans eau courante. Donc oui, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, mais j'encourage vraiment tout le monde d'aller se perdre 2-3 jours, si ce n'est que 2-3 jours, 2-3 heures, même s'il faut, pour essayer de se ressourcer et voir autre chose. Mais à partir à la vraie rencontre du pays qu'on est en train de visiter. Je pense que c'est bien, on peut le découvrir effectivement en mode touriste, mais on le découvre vraiment autrement et en mode hors touriste, on va dire. T'as déjà trouvé des petits coins, tu sais, des petites pépites, tu dis waouh, ouais, c'est ça que je suis venu voir. Ouais, c'est la question qu'on pose souvent, quel pays j'aimais ou quel lieu, mais il y en a eu tellement, parce que je voyage depuis 2015, et à part cette année-là, 2021 et 2020, effectivement, tout est tombé à l'eau. Mais depuis 2015, je fais entre 1, 2, voire même 3 voyages, gros voyages, on va dire, par an. Ah ouais. Tout dépend le temps et les envies aussi, les opportunités qui se présentent. Mais des petits lieux, des petits coins paradisiaques où, au jour d'aujourd'hui, je prends un peu moins de plaisir à regarder des petites choses simples. J'ai tellement vu, sans mettre trop en avant, j'ai tellement vu de petites plages, de petites montagnes, de petits villages reculés, tellement magnifiques et authentiques, que je saurais pas mettre vraiment un lieu en avant par rapport à un autre ou un pays. C'est tellement différent, donc. D'accord. Effectivement, oui. Ok, j'ai bien tout compris. Avant de se lancer encore plus dans le vif de ce sujet du jour, eh bien, je commence direct par te jouer mon premier petit disque chouchou. Ouais. Il s'agit de Avoid du groupe Hermetic Delight. Et comme les concerts nous manquent, eh bien, j'ai choisi ce son en live du Hall des Chars. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? Eh bien, il y a une vraie raison et je te l'expliquerai juste après. Pour l'instant, je te souhaite une très bonne écoute. Merci. Thank you. Into Void, voilà, sur Radio Gemozo. Merci, auditeur, de ta fidélité. Tu es exactement au bon endroit. Merci à toi qui nous écoutes de ton poste FM sur le 107 ou depuis les applis Radio Line, Orange Radio, peu importe où tu te trouves, dans ton bain, en mode larving, sur ton canapé, en pleine préparation de repas ou en cachette au bureau, peu importe, on s'en fout. Merci beaucoup. Allez, c'est le moment de la première info que je te glisse, et il est en parfait rapport avec le titre que je viens de te passer. Voilà pourquoi demain, mardi, se tiendra la 7e émission de Souris Live. Cette émission sera retransmise en direct de la Souris Verte sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Alors, Souris Live Kezako, eh bien, c'est un concept visant à mixer, je cite, concerts et interviews des artistes et nous les faire découvrir en mode circuit court, car il est réservé aux artistes émergents dont la structure de production, label ou plus largement de développement est en grand test, ou encore aux artistes en résidence à la Souris Verte en quelque sorte. Il n'y a donc rien à perdre, juste à gagner la chance d'une belle découverte, de passer un bon moment chez soi. Et ce mardi, demain, eh bien, c'est le groupe rock indé Hermetic Delight que je viens de te passer qui sera à l'honneur. Et d'ailleurs, j'ai la grande chance, comme 24 autres personnes, de pouvoir assister à ce concert directement sur place de la Souris Verte, en parfait respect des règles sanitaires, bien entendu. Et tu peux également et bien découvrir leur album FAQ sur le label Octobertone, qui est à découvrir. Ça fait du bien, un concert. Est-ce que tu vas regarder, Tony, ce live? Franchement, je vais être sincère, je pense pas. C'est pas forcément, je pourrais y assister effectivement, ça me dérangerait pas de découvrir cela, mais c'est pas forcément mon style de musique. Voilà. Après, le découvrir lors d'une soirée, pourquoi pas, je suis ouvert. Oui. Mais de là à y aller moi-même, pas forcément. Bah là, ça se passe de la maison, hein, parce que voilà, on peut pas aller sur place. On est un nombre très limité à pouvoir y aller, mais voilà. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Je manquerai pas si besoin. je suis aussi en lien avec la Souris Verte. On est pas mal, ouais, hein, au niveau de mon travail en lien. Donc c'est une belle équipe. Je suis, oui, effectivement, très c'est belle cool. Équipe. Alors, tu es aujourd'hui avec nous, et eh bien, dans l'odeur du son, pour nous parler d'un périple ou plusieurs périples. J'ai l'impression de road trip. Tu me disais donc être parti. Enfin, en tout cas, tu m'avais parlé d'un voyage en Afrique. Donc en fait, j'ai fait plusieurs voyages. Mon premier voyage en 2015 était au Sénégal. C'est-à-dire, je résume tout vite, c'est on achète un billet d'avion, aller-retour. On sait quand on part, on sait quand on revient. Et ce qui se passe, donc là, c'était 2 mois. C'était vraiment mon premier grand voyage à l'inconnu. Et on est parti 2 mois, pas savoir où aller. On n'a booké aucun hôtel. On n'a pas été dans ce monde touristique, on va dire, pendant ces 2 mois. C'est-à-dire que on arrivait à l'aéroport à 3h du matin à Dakar. Et de là, 2 petits blancs au milieu de nulle part à 3h du matin à pas savoir où s'orienter, où aller. Et je sais que la première nuit, par hasard, on a suivi l'instinct et les connexions, on va dire. On s'est retrouvé chez un chauffeur de taxi à dormir, même chez lui, parce qu'on savait pas où dormir, justement. Comme je vous dis, on a absolument rien booké pendant ces 2 mois. Et pendant 2 mois, on a gambadé. C'était vraiment le premier voyage où rien n'est mis en place. C'était vraiment le hasard, vraiment la découverte de beaucoup de choses. Et du coup, même au niveau matériel, on n'avait pas pris du tout ce qu'il fallait. C'était vraiment en mode un peu route, voire beaucoup route. Ça s'est amélioré avec les futurs, enfin les voyages qu'on suivait. Après, oui. Mais du coup, effectivement, le premier voyage. On avait une petite escale pour l'anecdote. On avait une escale du coup à Casablanca, Maroc. Et donc on est arrivé à Dakar. On a fait 1 mois. On a fait vraiment tout le tour en mode pirogue, en mode taxi brousse, en mode bus qui tombe en panne au bout de 3 heures au milieu de nulle part, sans aucun touriste. Hein. Faut dire que le Sénégal, le tourisme est simplement concentré au niveau des hôtels. Ah ouais. C'est-à-dire que du nord au sud, c'est vraiment deux populations différentes. On a traversé la Gambie avec des petits aléas et des petites anecdotes un peu croustillantes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait lors des premiers voyages au niveau sécurité que je referai pas maintenant, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'insécurité lors D'accord. de mon premier voyage par rapport aux modes de transport, par rapport aux les modes d'hébergement, les personnes aussi qu'on a pu rencontrer. Enfin voilà, c'était vraiment une découverte. Mais du coup, pour vous résumer tout vite ce premier voyage, on est parti donc avec un sac à dos, et ce premier voyage m'a permis aussi d'amener, faut le souligner, une vingtaine de kilos de dons. C'est-à-dire qu'on appelle dons, c'est-à-dire que chaque voyage que j'ai pu faire, j'ai amené 10, 15, voire 20 kilos de dons, c'est-à-dire que je récupérais autour de moi, car je n'ai pas d'association, différentes choses scolaires, des petites fournitures scolaires, des petites voitures, des bijoux fantasy, des cordes à sauter, des frisbees, des casquettes, des lunettes, enfin, un tas de Génial. Choses que j'ai récupérées, pour donner sur place. Donc, chose qu'on a commencé à faire avec le Sénégal. Et vu que le premier mois, on a fait le tour, on va dire, enfin, ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait y voir, on est remonté en traversant la Mauritanie pour aller jusque Casablanca. Donc, en fait, on a eu un mois au Sénégal et un mois pour monter jusque Casablanca pour prendre l'escale qu'on avait. Donc, on a annulé le vol retour de Dakar. Et c'était vraiment le premier gros voyage qui a forcément enchaîné, enfin, ça a enchaîné, pardon, avec d'autres voyages plus ou moins exotiques à travers le monde. Qu'est-ce qui a motivé ce premier voyage? Enfin, à quel moment tu t'es dit, allez, ça y est, je pars? En fait, c'est de trouver, moi qui, je souhaite pas partir tout seul, parce que pour moi, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est, il faut le partager, que ce soit à 1 ou à 10. Donc pour moi, partir tout seul, je maîtrisais pas forcément les langues, malgré que le Sénégal c'était francophone et le Maroc aussi. Mais j'ai toujours voulu partir à 2 minimum. Et c'est vrai que jusque là, les opportunités se sont pas faites. C'est-à-dire que les personnes qui m'entouraient ne voyageaient pas forcément en mode sac à dos. Et moi qui faisais beaucoup d'animation à ce moment-là, je tombais sur un binôme parfait. On avait fait 4 mois de saison ensemble en animation. On s'est dit vas-y, on part, on prend le billet d'avion, on part comme ça au hasard et voilà, on est parti 2 mois, on est revenu et de là j'enchaînais avec beaucoup d'autres voyages. Cool. Dans le même, avec les mêmes principes, c'est-à-dire sac à dos, acheter le billet d'avion, aller, billet d'avion retour, donation dans le sac et une fois sur place, tout peut se passer. Génial, je te laisse boire un coup. Oui, je m'assèche la canicule. Alors, pourquoi t'as choisi de partir là-bas pour ce premier voyage? Sincèrement, pour un premier voyage, nous, on n'avait pas trop regardé ce qu'on pouvait faire. Enfin, depuis tout petit, je voulais toujours partir. Moi, mon rêve, c'était vraiment l'Amérique du Sud. Ah oui. Qui, pour la suite, m'a un peu blasé, mais du coup, il y avait tellement d'informations, de photos, de vidéos, et des personnes ayant vécu les mêmes choses sur place, des repéros en Bolivie, en Argentine ou autre. Il y a beaucoup de retours, mais toujours les mêmes retours en photo, en vidéo, les mêmes retours aussi moraux. Et j'ai aussi dit, voilà, on part en Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, il y a très peu de backpackers. Donc, backpackers, c'est la personne en sac à dos. Oui. Qui partent en Afrique. Il y en a très peu. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en Asie, en Amérique du Sud aussi, où j'ai été, en Europe, il y a très peu de personnes, malheureusement, qui vont en Afrique noir, on va dire. C'est-à-dire Maghreb, lui, forcément, c'est connu, mais tout ce qui est Afrique de l'Ouest ou Afrique du Sud, par exemple, il y a très peu de backpackers qui se donnent les moyens d'y aller. Donc, on s'est dit Sénégal, c'est parti. Et moi, je connaissais le Maroc. Et de là, on a pu remonter assez facilement jusqu'à Casablanca sur un mois et faire des découvertes et des rencontres inoubliables. Génial, il nous amène le soleil, Tony. Là, on est. Moi, je visualise, je suis à fond là. C'est vrai que oui, effectivement, le soleil, c'est la base. Ah bah. On partait souvent à cette même période, c'est-à-dire que là, ça fait la semaine dernière, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu prendre un billet d'avion. Oh. Donc, à cette même période, il y a 2 ans, j'étais aux Philippines. Waouh. Donc ah ouais. Oui, là, on est à Remiremont. C'est pas trop la même chose de monter bien entouré. Donc ça va. Oh bah c'est gentil ça. Puis on a de belles montagnes quand même. Oui, pourquoi t'as choisi cette façon de voyager? C'est quand même pas tout le monde qui pense à ça, tu vois. Déjà, je dirais dans un premier temps, financièrement parlant. Ah oui. C'est-à-dire que de voyager avec un sac à dos plus proche des locaux et de la culture locale, ça nous permet quand même de faire quelques économies, surtout que je suis pas à la recherche d'un véritable confort. Oui. Donc, du moment qu'on cherche pas le confort, qu'on cherche simplement des échanges naturels et sincères, donc voilà déjà pourquoi partir en sac à dos. Le sac à dos aussi, qui me permet aussi de, quand on boucle pas ces nuits d'hôtel à l'avance, ça nous permet aussi de changer de chemin à tout moment. C'est-à-dire que tous mes amis, malheureusement, ou c'est une chance, hein, je suis pas là pour juger, mais toutes les personnes qui louent un hôtel en amont, pardon, pendant une semaine ou deux, peu importe la durée, ils sont amenés quand même à suivre une ligne directrice. Tandis que moi, je me fais mon petit itinéraire pendant 2-3 semaines, 1 mois. Mais à tout moment, mon itinéraire peut changer parce qu'il n'y a rien de booké en avance. C'est ce qui m'a permis de, justement, d'un jour à un autre, de changer carrément mon itinéraire et de me retrouver dans des endroits où je devais pas y être et qui m'a rendu encore plus fort. C'est vraiment ça qui te plaît dans le voyage? C'est un peu ce synonyme de liberté? Liberté, découverte et aussi l'échange. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu et vécu des choses très misérables. Oui. Je sais pas si c'est le bon mot. Misérables. Et du coup, de me retrouver avec ces gens qui n'ont absolument rien, mais qui distribuent, qui donnent des sourires, une force aussi, comment, au niveau des connexions, et aussi qui nous donneraient un repas, un hébergement en toute gratuité avec un gros sourire. Même nous, en France, on a du mal de le faire avec tous les moyens qu'on a. Donc, c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment l'échange, le savoir, et aussi forcément de découvrir aussi toute la richesse du pays en question. Oui. Mais ouais, carrément. Il y a le côté humain vraiment qui me prime, moi perso. Je préfère passer plus de temps à visiter des petits villages ou être en connexion, à rien faire à la limite avec certaines personnes, que d'aller visiter des musées ou des palais ou autre. Oui. Enfin, du moins, je suis pas dans la pierre, je suis vraiment dans l'humain, donc. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Est-ce que c'est une façon de tester un peu ses propres limites, le voyage comme ça? Ouais, sincèrement, j'encourage vraiment toutes les personnes à essayer de voyager un peu hors circuit. Pour ma part, ça m'a permis de me recentrer, de me découvrir, de me renforcer aussi psychologiquement. Je sais pas si tout le monde aura le même ressenti, mais moi, ça m'a permis d'être encore plus fort et psychologiquement de passer au-delà de beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis plus du tout, je relativise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas du tout quelqu'un de stressé ou qui va me prendre la tête pour n'importe quoi. En France, on est amené, malheureusement, j'habite en France. En France, on est amené à se prendre la tête vraiment pour rien du tout, pour un petit couac. Tandis que dans tous ces pays que j'ai pu rencontrer loin, loin de ce monde, enfin loin de la France et loin des touristes, ils ont un autre regard justement beaucoup plus simple, beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, beaucoup plus proche de celui qui est à côté, qui est à de ses côtés. Donc moi, ça m'a permis de grandir et je pense qu'un voyage, ça permettra à tout le monde de recenser vraiment la vraie vie. Oui. C'est-à-dire que nous, on est dans la consommation pure et simple. Et dans la plupart des pays qui sont pas du tout amenés à vivre cela, ça nous permet, nous, de se dire, waouh, dans quelle vie au monde? Oui. Dans quel monde on vit, pardon? J'avais compris. Dans quel monde on vit? C'est-à-dire, on vit dans la surconsommation. Moi, le premier aussi, de temps en temps. Un mec, on se retrouve dans ce genre de pays, on lâche prise et on oublie un peu toute notre vie un peu en France et on amène aussi notre savoir et voilà, ça nous permet d'échanger, sans pour autant parler, des fois, simplement un regard, un sourire, ça nous amène des forces que peu de personnes peuvent avoir ici, chez nous. Est-ce qu'un jour tu t'es dit que t'allais partir habiter ailleurs? Non, pas forcément. Je me l'interdis pas. J'adore la France. Il y a pas de souci. J'adore la France. J'adore les Vosges. Après, à côté de ça, si l'opportunité se présente, aller vivre ailleurs, que ce soit pendant quelques mois, quelques années, je suis pas contre. On verra ce que présente l'avenir. Bah carrément. On va te laisser boire un coup et on va voyager encore avec toi. On va se faire une petite halte, une sortie musicale avec les deux prochains titres que je t'ai préparés. On s'arrête au Kenya avec ce premier son de Mutoni Drummer Queen, Suzy Noma. Tu connais? Non. Tu non, connais non, pas? Non. Non, mais je vais le découvrir, un gros plaisir. Eh ben, Mutoni Drummer Queen ou Mutoni Ndonga, c'est une rappeuse, percussionniste, productrice et entrepreneuse kenyane. Elle produit de la musique alternative, électro-hip-hop. Elle a fondé les festivals Africa Nouveau et Blankets and Wine en Afrique de l'Est. Son nom de scène viendrait d'un photographe qui a immortalisé un de ses concerts à Zanzibar où elle jouait de la batterie, pour la petite anecdote. Un photographe qui l'a immortalisé et qui a écrit une blague sous le cliché. Mutoni Drummer Queen, Mutoni la reine de la batterie, et tous ses amis lui ont alors donné ce surnom qui est resté. Je te passe donc Suzy Noma, sortie de son album Chi, savant mélange entre afro-basse explosive et rap contagieux, un album qui met aussi en avant les femmes. Et juste après ce titre, eh bien, je te joue Lisbonne avec sa reprise de Voyage, Voyage de Désirless. Lisbonne que tu retrouveras dans Fréquence Libre avec Chris aujourd'hui à 14h tapante. C'est maintenant sur Radio Guémozo pour cette halte musicale. Sitting at the corner, me and Susie know. We ain't got no worries, we are looking like the owners. Sipping on Coronas, looking at the phone. All them pretty boys, come and tell us how they want. Mambo ni kungoja, haki utangoja. Sinaga my time, saku witi na biota. Planning how we want, think over the walks. Riding on the drums and the clap and the bass goes boom. Shake it down, shake it down. Hey, you really know it and you really wanna show it, be the way it goes. him in the corner. Me and Susie Norma. We ain't got no money, but we do it how we wanna. Minting our nails, checking our meals. All them pretty boys wanna have us, but they feel like Kim Tangoya, Leon Tangoya. Sai to go out, Sakuna Kazavioya. Running how we want to, took over the world. Riding on the drum in the club while the bass goes boom. Shake it down, shake it down. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. C'était bien ça, Mutoni Drummerkin. C'était reposant. Ah oui, c'était le moment de chill. Tu connaissais ? Non, mais je préfère cette version. C'est vrai ? On va choisir, ouais. Bah voilà, on est là pour faire découvrir des choses. Super. Merci à Chris de m'avoir fait découvrir ça, d'ailleurs, en passant, qui nous écoute. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à toi, Tony. Grâce à toi, on part en voyage par l'esprit. Auditeur, je te fais une petite info de dernière minute. Non, c'est complètement faux. Mais je te fais quand même part d'une info importante, tout de même une info solidaire avec la Maison de l'étudiant qui, demain, mardi 16 mars, de 9h à 17h, distribue gratuitement des produits de première nécessité pour les étudiants. Cette distribution se fera à la Maison de l'étudiant, impasse de la Louvière à Épinal. Forcément, ça te parle, toi, la solidarité. Surtout qu'avec l'ES Golbey, on récupère aussi des donations pour redistribuer aux étudiants auprès des catégories de jeunes. C'est génial. Parti. Donc voilà, depuis ce week-end, on a informé nos jeunes footballeurs. On va essayer d'être solidaires avec les étudiants, à ramener des donations alimentaires pour pouvoir leur redistribuer d'ici cette fin de semaine, je pense. Ah, génial. Avec l'ES Golbey. Eh ben voilà. Donc j'assiste bien. qu'on embrasse. T'es déjà parti vraiment dans un but solidaire. Tu disais que tu ramenais souvent des dons. C'est-à-dire que sans monter une association, donc j'ai pas d'association à ce jour. Je me suis pas rattaché à une association quelconque. C'est un choix. Mm-hmm. Par rapport à ce que j'ai pu voir sur place, au niveau de la redistribution. Enfin voilà, je me suis pas retrouvé dans une asso pour le moment. Donc je fais ça moi-même avec des amis parfois. Donc avant tout voyage, c'est-à-dire que j'essaye de par rapport aux réseaux sociaux ou même des démarches personnelles auprès de pharmacies ou de grands magasins, j'essaye de faire des démarches pour récupérer comme j'ai expliqué tout à l'heure des donations pour distribuer sur place, ouais. Non pas pour avoir des merci sans arrêt ou pour dire je suis le meilleur ou loin de tout ça, simplement que vu qu'on est en surconsommation et que les parents achètent énormément de choses aux enfants, il y a beaucoup de choses que je peux récupérer à mon échelle pour pouvoir redistribuer simplement. Donc voilà, moi je fais le lien, je suis simplement là pour faire le lien. Une fois sur place, ça peut être des denrées aussi alimentaires, ça peut être un minimum d'argent, c'est-à-dire 10-20 euros s'il y a besoin d'acheter deux poules ou une tôle. Enfin, j'essaye de faire à mon échelle. Je suis pas riche non plus, donc je sais que j'ai été démarché pas mal de pharmacies aussi au culot, en leur expliquant mon projet, on essayait de récupérer des brosses à dents, des petites pommades, enfin des petites choses que je peux moi après redistribuer et aussi véhiculer. Parce qu'on peut pas prendre tout et n'importe quoi aussi en avion. Le poids était aussi limité, c'est-à-dire que, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on a le droit entre 20 et 25 kilos par passager. Pour le peu que j'avais un autre sac de 25 kilos, oui. Il y avait peut-être pour 50-60 euros que je payais aussi de mon côté. Enfin voilà, sans renier tout cela, je le faisais avec grand plaisir, je le fais toujours. Mais que de partir à vide, en mode touriste, on fait la fête... Pour ce que soit, j'essaye toujours de remplir mon sac au maximum par rapport au poids toléré par la compagnie aérienne. Et pour le moment, voilà, j'ai fait un petit projet sympa avec le SAS Football, le SAS Épinal, avec des amis, Jamel Menaille d'ailleurs que j'embrasse, qui m'a fait part de beaucoup de vêtements sportifs, donc oui. Des petits survêtements, des petits chasubles, des caouets au niveau du football. Et j'ai fait un petit voyage en Birmanie en 2018. Et j'étais dans un petit village, dans une petite école de foot où j'ai pu redistribuer tout ce matériel, enfin une partie génial. Du matériel. Il y a eu des photos, des petites vidéos qui ont été faites, donc j'ai renvoyé tout ça au club. Ils ont pu faire justement par rapport à ça un éditorial justement sur leur site officiel qui m'a ramené beaucoup de sollicitations et beaucoup de remerciements, chose que je ne cautionnais pas à la base. Mais voilà, j'arrive à monter moi de mon côté des petits projets comme ça solidaires dans les pays où je vais, et ça permet aussi d'avoir une résonance pour les clubs. Moi, je me suis rattaché au foot, oui. Donc ça fait une petite résonance aussi localement, partenariat solidaire. Donc on essaye de retravailler là-dessus, mais à mon échelle toujours, parce que j'ai pas encore d'association. On sera peut-être un jour, peut-être un jour, un grand plaisir. Mais pour le moment, voilà, j'essaye de faire à mon échelle. Mais tout ce que je sais, c'est que j'essaye d'amener au maximum ce que je peux redistribuer sur place. Bah voilà, t'es pas riche financièrement, mais t'es riche de cœur, et c'est non, ça, c'est après, le principal. Voilà, c'est des petites choses qui pour nous vont terminer certainement la poubelle, mais qui pour beaucoup d'enfants à travers le monde, ça c'est représente une énorme richesse, on va dire, aussi bien imaginaire que sur le moment. Donc oui. Voilà, il faut le faire, faut y penser. Le voyage à solidarité, ça te vient d'où comme ça là? T'es né avec? Ouais, sincèrement, bon, une petite part d'éducation, d'être proche de notre prochain, mais non, je pense ouais. que c'est au fur et à mesure des rencontres, mon état d'esprit s'est ouvert et Et je pense que ça m'a, j'ai compris aussi que donner ne nous rend pas plus pauvres, au contraire, ça nous rend encore plus riches. Donc, ouais, bah, c'est un petit moment philosophe. Mais oui, le fait de donner, sincèrement, moi, je vois ma vie, elle fait que de s'épanouir. Donc, plus je donne, plus je reçois en retour, non pas des matériaux ou des accessoires, mais surtout des sourires, des commentaires positifs et des énergies positives aussi. La good vibes. Voilà, c'est la good vibes. C'est ça. Ça fait penser à cette citation qui dit « Le bonheur, c'est la seule chose qui se multiplie quand tu le partages ». Voilà, exactement. Bah voilà. Un simple regard, un sourire et on peut comprendre beaucoup de choses. Quel pays tu as traversé du coup, parce que tu nous en parles, mais. Oui, donc du coup j'ai commencé donc j'ai beaucoup voyagé en Europe. Bon, ça je veux pas y revenir. C'était voyage en Europe un peu partout, mais autrement au niveau du monde, je dirais j'ai fait Sénégal, Maroc, donc forcément. J'ai été un petit peu en Égypte. J'ai fait Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie. Donc ça, on va dire, c'est des voyages un peu plus touristiques, c'est-à-dire que ça a comme un coup d'aller en Afrique du Sud, Tanzanie ou Namibie. Oui. C'est des voyages, on va dire, où il y a le règne animal, c'était beaucoup pour faire des petits safaris à gauche à droite, tout en sachant que j'ai dormi dans des petits hôtels à 3, 4, 5 euros. Hein. Ah oui. Malgré, on peut se payer un safari sur place, donc le billet d'avion, en général, c'est entre 5 et 600 euros. Oui. Pour Namibie, Afrique du Sud ou Tanzanie. Une fois sur place, donc il y a des hôtels pour tout le monde, pour à tout prix. Mais ce qu'il faut savoir, sur 4 jours de safari, une fois sur place à Tanzanie, c'est 400 euros à peu près pour 4 jours. Donc l'argent que je vais mettre dans un safari, je vais pas le remettre moi dans un hébergement ou dans un bon repas d'hôtel. Donc voilà. Donc on va dire en Afrique, Tanzanie, Namibie, Afrique du Sud, Sénégal, Gambie, Swaziland, Zanzibar. Après, j'ai fait Colombie, Venezuela. J'ai tu fais par ordre alphabétique ou pas? Non, j'essaie de remémorer. Donc tout ça, c'est depuis 2015. Avec la face. Donc depuis 2015, voilà, j'ai enchaîné avec Birmanie, Philippines, Cambodge, Laos, Thaïlande, l'Inde du Nord. J'ai pas fait le Sud. Colombie, oui. Venezuela, comme je l'ai dit. Et voilà, j'ai dû faire entre 15 et 20 pays en 5 ans. Wow. Toujours sur une base de 3 semaines, 1 mois. Génial. Je trouve aussi. Après, la quantité ne fait pas non plus, hein, mais parce que chaque peuple est différent au niveau des émotions, mais voilà, le peuple africain, on va dire, par rapport au peuple asiatique, n'apporte pas du tout les mêmes choses. Je te demande pas quel pays t'as préféré, du coup. Non, c'est la question qu'on pose à chaque fois, mais sincèrement, au niveau humain, on va dire que l'Afrique est vraiment plus humain. Facile d'aller chez l'habitant en Afrique, par exemple, peu importe le pays, qu'en Asie. Mais non, chaque pays a amené ses découvertes, aussi bien faune et flore qu'humainement. Donc. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir, hein, des souvenirs? Il y en a énormément, on va dire. Je sais pas, ça peut être des plages paradisiaques, ça peut être le Taj Mahal, ça peut être les temples d'Angkor. Une chose qui, on va dire, qui pourrait me choquer aujourd'hui, enfin choquer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est j'étais en Venezuela en 2016, si je dis pas de bêtises, et c'était le début du blocus. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui est en faillite complet. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte en France, c'est-à-dire que moi j'étais en 2016, et il n'y avait déjà plus de denrées alimentaires, il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus de monnaie au niveau du pays. Non. Et il n'y avait quasiment pas de touristes. C'est un des pays où on a rencontré le moins de touristes. Ouais. Peut-être 2-3 touristes sur 3 semaines. 2 semaines, pardon, Venezuela, 2 semaines Colombie. Mais c'est vraiment le pays, on va dire, qui m'a le plus choqué par rapport au sous-développement du pays qui était en faillite complet. Au jour d'aujourd'hui, quand je fais la comparaison, je me dis, waouh, dans quel pays j'étais en 2016, inconscient, parce que c'était vraiment très, très dangereux. Ah oui. Oui, il faut savoir, parce que on se promenait, nous, on était 3 avec un ami et une amie, à se promener dans les rues de, comment que ça s'appelle? Chris, ramène-nous la cruche, s'il te plaît. Non, c'est bon, et du coup, le Venezuela, un pays très dangereux auquel on n'a pas eu forcément de problème, mais où on était amené par hasard à se promener au bord de la route pour aller d'un point à un autre. La police s'arrêtait en mode super mécontent, nous prenait plus ou moins de force à nous mettre dans la voiture pour nous dire stop, arrêtez de chercher le mal, arrêtez de chercher le problème. Ouais. C'était vraiment dangereux. Donc voilà, après non, franchement, il y a eu énormément de belles découvertes au niveau paysage et humainement parlant encore plus. La chance, regarde, il te ramène la cruche, mais qu'est-ce qu'il est gentil, ce Chris, là. Ma vie, ça a soif de parler de tous ces voyages. Merci, Chris. Je replonge, ça calcule, ça le soleil. Ouais, bon, en tout cas, c'est... Après, l'Afrique du Sud aussi, ça m'a choqué, vraiment, dans le sens que on parle de l'apartheid, et moi, j'étais en 2018, il me semble, Et du coup, j'ai bien pu constater encore une fois sur place que les blancs étaient d'à côté, les noirs d'à côté aussi. Ah ouais. Que malheureusement, le peuple noir, black, faisait tout ce qui était sous-métier, était vraiment pas reconnu. Et chose qu'on dit pas forcément aux informations françaises. Mais une fois sur place, moi, j'ai encore constaté que les blancs se mélangeaient pas avec les noirs, super, malheureusement. Ouais. Et moi, ça m'a relativement choqué. C'est-à-dire qu'il y avait une ville, on va dire, développée blanche. Et tout autour, au périphérique, il y avait tous des petits bidonvilles de gens blacks, malheureusement. Et ça, c'est des choses qui me semblent épouvantables encore en 2018, c'était. Donc, je trouvais ça encore impossible. Impensable, oui, tu m'étonnes. Oui, impensable. C'est quoi les grandes qualités à avoir pour voyager comme tu le fais? Je dirais qu'il faut être patient, pas stressé. Pas impulsif, c'est-à-dire que j'ai pu voir des touristes s'énerver pour un oui, pour un non, et malheureusement, mettre en place des problématiques avec le peuple local, enfin avec les habitants locaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous, on a tendance à l'oublier, on pense qu'on est européen ou même américain, tout est permis, mais non. Donc on dirait qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, être solidaire, naturel, être soi-même. Avoir le sourire, parce que beaucoup de gens n'ont absolument rien, mis à part des expressions corporelles, on va dire. Donc un sourire, pour eux, c'est quand même beaucoup. Le fait d'être blanc, d'aller dans un pays africain, dans un petit village, sous-développé, et avoir le sourire, pour eux, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vas-y, tous. Désolé. Mais du coup, non, être simplement soi-même, le sourire, et pas se prendre pour un autre, sans oublier les codes d'où on est, du pays d'où on est. Et voilà, savoir donner, sans pour autant, je vous parle pas d'argent ou de choses hein, concrètes, simplement un sourire, une écoute, un échange, il faut donner un petit coup de main, chose qu'on a pu faire, nous, dans différentes petites fermes ou même dans un orphelinat, voilà, il faut savoir donner 2-3 heures, 2-3 jours s'il faut. Et, c'est chouette. Et pas oublier d'où qu'on vient, quoi. Nous, on manque de rien, on va dire. C'est clair. On manque de rien, entre parenthèses. Et c'est vrai que dans différents pays du monde, ils ont pas l'électricité, ils ont pas l'eau courante. Ils mangent pas à leur faim tous les jours. Les enfants travaillent. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, à un moment donné, faut pas rester sur BFM ou sur Euronews. Faut vivre. Faut aller voir ce qui se passe aussi, aller chercher les vraies informations sur place. Ah, c'est bien ça. Et se construire avec ça. Carrément, alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Du coup, j'imagine, question rhétorique, mais j'imagine que l'état d'esprit, il change complètement du moment où, avant que tu partes, au moment où tu rentres. Quoi. Ouais, c'est comme je dis, moi je pars et j'essaye d'oublier un peu. Bon, je suis quand même connecté pour un échange de photos, de vidéos. J'essaye de faire ça quand même, d'échanger avec ceux qui me suivent, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que sur place, on se pose beaucoup moins de questions. On s'en remet. Enfin, moi j'ai la chance de pouvoir me remettre en question justement sur ma vie dans les Vosges, sur les différentes chances et opportunités que j'ai pu avoir, et de me dire voilà ce que je vais amener sur place pendant mon voyage, ça va pas pénaliser sur mon retour. Ça peut être financier, ça peut être si je dois aller voir n'importe quoi un temps pendant 3 jours, et à côté de ça je sais que je peux apporter humainement pendant 3 jours dans un petit village ou autre. Je pense que le choix va être vite fait, et le temps que je vais l'oublier, et je le verrai en vidéo. Ouais. Donc oui, après c'est aussi de se remettre en question, de se dire voilà, on est en France, on meurt pas de faim. On a des aides sans arrêt, on peut se faire hospitaliser. Les personnes en position de handicap, par exemple, ils ont des soins, ils ont un suivi, un minimum de suivi. Ils ont des accessoires comme un fauteuil roulant, comme des béquilles, chose que j'ai pu voir des personnes en position de handicap dans le monde à faire flipper. Enfin voilà, il faut être fort psychologiquement aussi pour se confronter à ce genre d'événement, à ce genre de situation, parce que des fois on se sent impuissant aussi sur place à quoi faire. Quoi faire, et bien souvent on peut rien faire mis à part essayer de donner un sourire ou donner un petit coup de main manuel, on va dire. Mais c'est vrai que des fois on peut pas faire grand chose malgré le savoir qu'on peut avoir. Mais oui. Donc difficile, mais voilà, il faut être fort psychologiquement, d'où mon travail aussi. Bah oui, je comprends bien. On va se faire une nouvelle halte. Cette émission est passée à toute vitesse. Je vais te balancer mes deux derniers sons. Du coup, je vais te laisser respirer, reprendre ton souffle. Merci de nous faire voyager, de nous donner les vraies informations. On va faire de toi notre envoyé spécial, je crois. Un grand plaisir. Alors, on va écouter Masters at Work en feat avec Screechy Dan pour Give It To Me. Et très talentueux Eddy de Préto nous interprétera son Quartier des Lunes. C'est tout de suite sur Radio Gémozo et on se retrouve juste après. When I looked to see who was it, this girl from Baltimore. She said, the music nice, so she needed some more. I said, are you sure? She said, si, senor. Watch your mind, select, I said, clean our school. Select, I give it to me, select, I give it to me. Don't give me the robot, don't select you like you never before. Trouble, give it to me, select, I give it to me. Don't give me the robot, don't select you like you never before. Why? The music is nice, and the music is sweet, sweet, yeah. I said, it's nice, nice, nice. I said it's sweeter than the sugar and it's sweeter than spice. Sweeter than the curry goat and the white rice. Sweeter than the Heineken upon the ice. When you hear it once you up, you scream for it will rise. Why? Myself, you give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Trouble, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. The music is nice and the music is sweet. It make me move my hand and make me move my feet. It make me move my body and get in the heat. Jump up in the air and start skin my teeth. Just give it to me, selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Children, give it to me, selector, give it to me. Robot of selection like you never before. The music is sweet, whoa, the music is nice, nice, nice. I said it's nice, nice, nice. Sweeter than the sugar and it's sweeter than spice. Sweeter than the food we go with dip on the ice. Sweeter than the curry go with dip on the rice. When you hear it once, you have to scream for it. Why, yes. Children, say, give it to me. Selector, give it to me. Roba, roba, don't select you like you never before. Children, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the roba, don't select you like you never before. Me just pick up the microphone in a female hand and then hold the mic and ram up session. Program up in down with the mic in a man. Bubble pan the rhythm, go a couple furlong. Say to Mr. Dan, them call you stallion. Anyway, you pass through session of a ram. Because I ram it up a woman, I'm a ram it up a man. Program up in dance, great chip on the mic stand. Now put down it and take up my weapon and go round the place with no confusion. Come here, just set the whole leap of contention. Things like that to mash up future than future plan. Next thing you know, my life in a desolation. What's better than cure? Nothing but prevention. But just give it to me, selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Trouble, give it to me, selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Me up upon a girl and I play in her chest. Me ask her, you love screech than she ball, yes. You love the robot of style, she holla out, yes. You love the gringo and she shout out, yes. She love how me kiss and love how me caress. I ask night to see the play in her chest. Just give it to me, selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. I trouble, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Just hold me tight and she pull up on me and I say, God Almighty, give me some salvation. Send me some help as fast as you can. Now here come the Dan with the mic in him and I hold the microphone all night long. Bubble pon the rhythm, second pon the version, and everyone come and shake up me hand. I send them want it in every island. So give it to me, selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Approximately 10:44. I was sitting in my room, I heard knocking on my door. When I looked to see who was it, this girl from Baltimore. She said the music sweet and she needed some more. I said, are you sure? She said, si, senor. Watch on my selector, second in her score. Selector, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Oh God, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot of selection. Why you're so mad? Selector, give it to me. Don't give me the robot of selection like you never before. Oh God, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot of selection. Why you're so mad again? Give it to me. Selector, give it to me. Avançant pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux, deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'ériserai exactement tout comme je le souhaite, souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques sur son. Pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je t'assurerai ta moue et un à un de tes cheveux longs. De mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères. Lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras à l'heure à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, de nasse, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, de nasse, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête. Sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Je me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois. Que tu repasseras sans te commander. Car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser. T'imposerai des chutes pour pas te révolter. Te bloquerai la nuque sans que tu révulses. Et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. Quoi n'as-tu plus besoin de mon torse? Quoi n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte? Dis-moi comment vas-tu faire sans écorce? Quoi n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi n'as-tu plus besoin de mes règles? Entends mes forts, je t'aime et te surveille. Tu verras comme dehors c'est sans soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. Eddie de Préto, Quartier des Lunes, voilà, sur Radio Guémozo. On est super contents d'être ensemble, mais cette émission est passée à toute vitesse. Il nous reste 5 minutes, waouh. Voilà, nous revoilà pour cette dernière minute. J'en profite, auditeur, pour te repasser une petite info locale. Là, au mois de mars, la bibliothèque municipale intercommunale d'Épinal, eh bien, donne rendez-vous aux enfants pour l'heure du conte. C'est des petites histoires pour les petites oreilles et pour voyager. Voilà, eux aussi, ils peuvent voyager. Ça se passe à la BMI d'Épinal les samedis 20 et 27 mars. Mars à 10h30 à partir de 3 ans et l'inscription est donc obligatoire au 03 29 39 98 20. Voilà. Très bien. Question rhétorique, Tony, j'imagine que le voyage, ben là, t'es un petit peu en manque, là. Non, je m'occupe autrement, mais oui, effectivement, on avait mis en place, enfin, j'avais pas acheté mon billet d'avion, mais on avait déjà un petit projet l'année dernière, 2020, de partir. Là, cette année encore, on va attendre peut-être mi-juin. Si ça se débloque un peu, j'ai un peu peur avec le passeport sanitaire. Moi, me poserait problème s'il faut se faire vacciner pour aller voyager. Ça m'enchante pas trop. Ok, donc tu vas voir. Moment, on va voir si vraiment on est obligé d'avoir ce passeport sanitaire avec différents pays. On verra à ce moment-là, mais pour le moment, hors de question que je me vaccine pour aller voyager. Okay. On verra par la suite, mais dès que possible, oui, le but c'est de reprendre un billet d'avion. J'ai énormément de dons et je vais en récupérer aussi, je suis en demande aussi pour en récupérer J'ai un tas de choses à distribuer dans différents pays, donc différents petits projets, donc à voir. Super. L'évolution de ce petit virus. Et ben voilà. Quel conseil tu donnerais à ceux qui aimeraient se lancer comme ça là dans des voyages comme tu le fais? Je pense qu'il faut oser. Simplement, moi, j'ai mis beaucoup de temps à oser simplement prendre un billet d'avion avec quelqu'un pour partir. Faut oser. Faut aussi sortir un peu des sentiers touristiques, c'est-à-dire que je conçois à partir dans un hôtel, pas de souci, tout inclusive, pas de problème. Mais il faut aussi savoir prendre quelques heures, quelques jours pour aller s'expatrier un peu dans des petits coins un peu reculés. Ça fera que du bien. Bien s'entourer pour partager ces petits moments. Oui. Bien uniques dans une vie. Et je pense que le voyage permet de se ressourcer, de voir la vie autrement par la suite. Donc j'encourage vraiment tout le monde à oser prendre un petit billet d'avion, surtout que maintenant, c'est pas cher, enfin c'est plus trop cher les billets d'avion, c'est au niveau des hôtels pour pouvoir s'héberger, c'est assez simple aussi maintenant par rapport à quelques années en arrière. Donc voilà, il faut tout simplement oser rester soi-même et amener son sourire et non pas ces petits problèmes personnels français, on va dire. C'est-à-dire que nos problèmes ne sont pas les mêmes du tout dans les différents pays d'Asie ou africains ou même sud-américains, donc on peut pas comparer, oublier tout ça, restez vous-même et allez vous ressourcer les gens. Ouais, ça c'est cool. Est-ce que t'as gardé des contacts avec des gens que t'as rencontrés dans certains endroits? J'avais quelques petits contacts au Sénégal lors de mon premier voyage. Mais c'est vrai que je le cache pas j'ai plutôt des contacts avec des touristes que j'ai pu rencontrer, auxquels j'ai pu partager d'autres trips à travers le monde. On a pu se retrouver, donc c'était super. Mais autrement, non, avec des populations locales, non, j'ai pas forcément gardé de contact pour différentes raisons, parce que après, forcément, on se retrouve, on va dire, le petit Européen qui, pour beaucoup de personnes, pense qu'on est bien en France, qu'on a beaucoup d'argent et autres, et après, forcément, les sentiments, enfin, les échanges peuvent être différents, donc, pour le moment, non, j'ai pas eu forcément l'occasion de retourner, justement, voir ces personnes que j'ai pu rencontrer localement. Parce que pour moi, la vie est faite de différentes découvertes. Donc, j'ai pas fait deux fois le même pays, mis à part le Maroc, parce que j'adhère beaucoup. Mais non, pour le moment, j'ai pas fait deux fois le même pays. J'essaye déjà d'aller voir tout ce qui se passe au maximum pour pouvoir par la suite, quand je serai en retraite, peut-être faire des pays qui me ressemblent. Le prochain, c'est quoi alors? Je voulais faire Sri Lanka. Waouh. Ou Bali, Bornéo, enfin l'Indonésie. Ou alors un peu plus autour du football, on va dire, ça aurait été Brésil, Argentine, Uruguay, enfin faire un petit road trip en Amérique du Sud. Ouais. Mais je vous dis, du jour au lendemain, ça peut changer. Ça peut être aussi bien Togo, le Gabon, le Congo aussi que j'ai de découvrir, l'Éthiopie. Mais différents pays, on peut pas voyager comme ça du jour au lendemain ou qu'on veut non plus, donc on verra. Les choux ouverts. Bah, super, merci beaucoup d'être venu ici merci dans les studios. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Oh, bah, c'est avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux pour avec nous parler des futurs voyages. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Eh ben de continuer à avancer par rapport à mes petits projets. Puis je pense que voilà, il faut par ces temps compliqués, il faut qu'on reste tous solidaires et qui dit solidarité dit pas forcément argent, simplement sourire, entraide, et voilà, s'écouter, et essayer de s'entraider. Je pense que c'est le plus important pour tout le monde. Super, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Avec grand plaisir d'avoir échangé. Auditeur, ben je te laisse avec la suite des programmes pour aujourd'hui. Dès 14h, ben tu retrouves Chris, hein, Fréquence Libre, avec Lisbonne, hein, dont je t'ai passé un petit morceau tout à l'heure. À 15h, ce sera Salut les 60. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je propose à 6h45, 11h30 et 17h30 la Good News du jour avec une bonne nouvelle tous les jour et un son qui fout la pêche, donc reste branché pour cultiver cette good news, ça nous fait bien plaisir. Et je te laisse passer une excellente journée, prends bien soin de toi, prends soin des autres, allez kiss. Let's get it. I can't hold on.